Je me baladais dans la forêt magique. Quand subitement, j'ai eu la tique. Et heureusement que sur un arbre perché, un couple d'amour enlacé s'embrassait. Alors j'ai mis ma guitare entre mes doigts et fit entendre ma jolie voix s'enlever. Down.